Bonjour, émission de Vous êtes libre ce soir, un peu spéciale aujourd'hui, car dans le cadre des journées du logiciel libre en Touraine 2007, j'ai réalisé trois interviews que vous allez pouvoir écouter dans quelques instants. La première est celle de Benjamin Bayard, président de l'association FDN, une association loi 1901, et fournisseur d'accès Internet libre. Il était également en compagnie de Simon Descarpenteries, étudiant au département informatique de l'école polytechnique universitaire de Tours, lui-même adhérent à FDN. La seconde interview était réalisée avec Yannick Thébault, de la société Néréide, qui maintient le progiciel de gestion intégrée NeoGIA, un logiciel libre pour les entreprises. Enfin, troisième enregistrement avec Nicolas Malin, de l'entreprise Libre en Berry. Merci à ces intervenants pour leur aimable participation, et c'est parti tout de suite pour ce VLCS numéro 4. Vous êtes libre. Ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. Je reçois aujourd'hui, dans le cadre des journées du logiciel libre donc en Touraine, monsieur Benjamin Bayard. Bonjour. Bonjour. Qui est président de l'association FDN, venu tout spécialement de Paris aujourd'hui donc pour tenir un stand sur les JLLT. Et puis monsieur Simon Descarpenteries. Bonjour. Bonjour. Donc, qui est étudiant au département informatique de l'école polytechnique universitaire à Tours, au quartier des Deux-Lions, et qui lui aussi en fait est adhérent de FDN. Adhérent voilà. Tourangeau. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que la DSL libre ? Pour comprendre ce qu'on a décidé d'appeler un peu abusivement Internet libre, l'idée, c'est que c'est la même chose que le logiciel libre. Du logiciel libre, c'est du logiciel qui est fait par des amateurs, pour des gens qui ont le droit de l'utiliser comme ils veulent et qui ont le droit de le modifier. Tout à fait, oui. Bon, l'idée est de reproduire ce schéma-là sur Internet. Finalement, l'abonnement Internet qu'on cherche à fabriquer pour nos adhérents, c'est un abonnement qui n'est pas restreint, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que dans les documents diffusés par FDN, on ne limite jamais l'usage de ce qu'on fournit aux abonnés. Contrairement, par exemple, à tous les contrats des Wanadu, des Neuf, des Free, etc., qui vont dire que c'est interdit de faire un usage professionnel, qui vont dire que c'est interdit d'héberger un serveur, qui vont dire que c'est plus ou moins interdit de fournir de l'accès aux copains, etc., etc. Tout ça, c'est assez contradictoire avec la notion d'Internet. Donc la notion d'Internet libre, pour nous, c'est d'abord la liberté d'usage, qui est celle, vraiment, pour moi, c'est la liberté fondamentale du logiciel libre, hein, c'est le fait qu'on ait le droit de s'en servir pour faire ce qu'on veut. Pour n'importe quel usage, oui. Donc ça, c'est, on reproduit la même chose sur Internet. Et ensuite, il y a la notion de droit de modification. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de changer le protocole IP. Ça, ça ne va pas marcher. Par contre, les services fournis par l'association sont fournis par les adhérents qui sont des abonnés, qui sont éventuellement bénévoles pour travailler dessus. Et donc, si on a envie d'un service nouveau ou si on a envie de modifier le mode de fonctionnement d'un service, on est tout à fait libre de le faire. D'accord. Un service, ça pourrait être un service de, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais d'une messagerie instantanée, non ? Par exemple. Par exemple, à l'heure actuelle, dans les outils qu'on a en ligne pour les sites web des adhérents, il n'y a pas d'outil de blog. Parce qu'aucun adhérent n'a jamais demandé. Et parce que voilà, la question n'a jamais été posée, quelqu'un ne s'est jamais présenté pour en faire tourner, donc il n'y a pas d'outil de blog. D'un autre côté, le jour où quelqu'un a envie de dire... moi, j'ai envie d'avoir un blog, il apprend comment l'installer, puis il l'installe. Puis en fait, il l'installe pour tout le monde, il ne l'installe pas que pour lui. D'accord, oui. De la même manière, le routage en IPv6 sur les accès ADSL, à l'heure actuelle, n'est pas fait. Il y a plusieurs adhérents qui ont dit qu'ils étaient intéressés, puis qui finalement n'ont pas tellement le temps, ou ne le prennent pas, etc. Mais la fonctionnalité, nous, on n'a aucune contre-indication, c'est en fait... Il suffit qu'un bénévole se présente pour le faire et pour l'assumer, et ce sera présent pour tout le monde. Oui, ok. C'est vrai qu'effectivement, ça rejoint le logiciel libre, parce qu'il suffit qu'il y ait un besoin précis et qu'aucun logiciel n'existe et qu'un programmeur se mette à le développer, effectivement, pour que le logiciel existe. Quoi. Oui, là-dessus, on a exactement le même cycle de vie. C'est-à-dire que un service se met à exister dans FDN à partir du moment où, premièrement, quelqu'un l'a demandé, ce qui n'est pas suffisant. Et où deuxièmement, quelqu'un est venu et de manière responsable a dit « je vais le faire, je vais l'assumer, quand ce sera en panne, je me relèverai la nuit pour corriger ». Ok, oui. Effectivement, ça demande de l'implication. Exactement le même modèle que le logiciel libre. Que le libre, oui. Ok. Et donc, on a parlé de la DSL libre. Et FDN, donc l'association, est-ce qu'on peut la présenter un petit peu, reprendre quand est-ce que finalement ça... Alors, FDN, ça plonge dans les racines de l'histoire d'Internet en France. On est probablement le plus vieux fournisseur d'accès encore en vie. Il y en a quelques-uns qui sont plus vieux que nous, mais qui sont morts, ou moribonds, des gens comme GNA ou comme WorldNet. Ça n'existe plus, WorldNet, c'était le premier fournisseur d'accès lancé par le patron de Free. D'accord. Donc c'est des générations assez anciennes. FDN, ça date de 1992. Donc pour situer, ça date d'avant l'époque où le web est pour la première fois sorti du CERN. D'accord, effectivement. Ouais. Donc tous les papiers qui parlent d'abonnement à FDN et d'adhésion à l'association, quand on les retrouve, ceux qui sont un peu anciens, ils parlent du web comme un service parfaitement annexe. Comme bon, on va vous fournir les services essentiels, fondamentaux d'Internet, qui sont le mail et les news. Bon, on vous a mis un truc gadget qui est du web à côté, si vous voulez jouer, mais de toute façon, les services sérieux, c'est les anciens. Ouais, effectivement. Ouais. Donc c'est une approche du réseau qui est quand même assez particulière. Cette ancienneté nous permet d'avoir beaucoup de recul technique et nous permet d'avoir une assez bonne visibilité sur finalement ce que c'est qu'Internet. Internet, c'est pas Wanadoo et c'est pas eBay. C'est des choses beaucoup plus fondamentales que ça. Oui, effectivement, ouais, ça tient en compte la vraie technique en fait de la chose, quoi. Surtout, puis, ça prend en compte ce qui était en vogue à l'époque où ça a été créé, à l'époque où ça s'est ouvert un peu. FDN, ça a été créé par des gens qui ont découvert Internet aux États-Unis ou dans les quelques très rares centres de recherche qui avaient Internet à cette époque-là. Puis ils se sont dit qu'ils en voulaient chez eux et qu'il n'y avait pas de fournisseur d'accès grand public et que donc, puisqu'il n'y en avait pas, ils allaient le faire. Et donc, ils ont fait leur fournisseur d'accès grand public qui ne filtre pas, qui permet d'avoir une vraie adresse mail et non pas. Alors, je ne sais pas, il faut resituer pour les gens qui se souviennent de l'époque. C'était entre autres l'époque CompuServe. Quand on avait une adresse mail, c'était le numéro de client point un numéro arbitraire choisi par CompuServe at CompuServe.com. Ils D'accord, appelaient ouais. ça une adresse mail. C'est vachement sexy. Mais j'ai même pas connu, effectivement. C'était ultra sexy. Cette époque. Moi, je suis venu au web dans les années 2000, quoi. Donc, c'est quand même très récent. Oui, c'est la grande vague de démocratisation qui a commencé vers 96. Donc, bon, voilà, grosso modo pour l'historique un peu de FDN. Aujourd'hui, finalement. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, FDN, ça existe toujours, ça vit toujours, ça fournit toujours de l'accès à Internet. On s'est modernisé depuis, on a eu l'opportunité de lancer des accès en ADSL en 2005. Donc ça a donné un petit coup de revival à l'association d'anciens combattants. Et donc à l'heure actuelle, FDN fournit de l'accès sur ADSL propre, avec aucune des petites saletés qu'on peut trouver dans les contrats d'usage commerciaux, c'est-à-dire que le partage de la connexion est tout à fait autorisé. Voilà, il n'y a pas de restrictions effectivement liées. Il y a certaines restrictions. Il y a l'abonnement, quoi. Mais il y a certaines restrictions, mais c'est surtout des restrictions de responsabilité, c'est-à-dire que si tu partages ta ligne, tu assumes. Si tu partages ta ligne avec quelqu'un qui vient faire des choses illégales, tu assumes. D'accord, ouais, effectivement. Ouais. C'est juste ça. C'est juste une question de responsabilité. Responsabilité financière également, c'est-à-dire que si tu fais du téléchargement comme un sagouin et que ça coûte très cher en bande passante, a priori les petits copains qui sont dans l'association avec toi, ils sont pas là pour payer ta facture. Oui, tout à fait. Ouais. Donc si tu as téléchargé comme un porc et que ça se traduit par une facture de plusieurs milliers d'euros de bande passante, il t'en coûtera. Oui, tout à fait. Ouais. C'est comme c'est un système associatif, effectivement, il y a aussi une cohésion en fait du groupe un peu, et puis oui. Chacun, effectivement, est responsable. Quoi. Il faut qu'il soit responsable. Quoi. Oui. Et donc, le fait qu'on ait sorti, il y a maintenant un an et demi, des offres d'accès à DSL, ça a remis FDN sur le devant de la scène. Ça a fait venir beaucoup de nouveaux adhérents. C'est-à-dire qu'on était sur un rythme de 3-4 adhésions par an, en fait, de quelques vieux fanatiques qui nous connaissaient et qui se disaient, finalement, ça fait quand même 10 ans que je les connais, je ne suis pas adhérent, je vais aller adhérer. Sur la DSL, on est passé sur un rythme d'à peu près 70 adhésions dans l'année. D'accord. Avec le plus souvent un abonnement à DSL en même temps. Donc ça a remis l'association en marche. Ça nous a rendu visible de pas mal d'opérateurs. Ça nous a ouvert des portes. C'est-à-dire que ça nous a permis, par exemple, d'aller discuter avec l'autorité de régulation des télécoms. pour aller leur dire, dites donc les enfants, la façon dont vous régulez la DSL, c'est un peu contraire aux directives européennes puisque vous ne permettez que les multinationales. Donc, ça permet des dialogues assez amusants où il y a FDN qui vient en porte-étendard avec ses 70 abonnements à DSL, marcher sur les pieds de, des gens qui se promènent avec 2 ou 3 millions d'abonnements. Alors on leur fait pas mal, mais on fait un peu poil à gratter, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Et donc ça nous a permis d'avoir accès à pas mal d'informations et d'avoir la possibilité de préparer plein de projets. Donc de travailler sur tout un tas d'autres projets, finalement un peu plus ambitieux que juste faire revendeur d'ADSL. Et donc des projets, il y en a une quinzaine ou une vingtaine qui sont menés plus ou moins en parallèle sur le temps libre des différents bénévoles. D'accord. Il y en a un particulier, non, ou qui peuvent être évoqués, non? Oh, il y en a plein qui peuvent être évoqués. Mais celui qui motive le fait qu'on soit venu sur Tours, ça c'est Simon qui en parlera mieux que moi. D'accord, bon, on va lui laisser la parole alors. Alors, FDN, c'est pas seulement des gens qui restent autour de leurs ordinateurs dans les data centers à Paris. D'ailleurs, les gens se déplacent et les abonnés et les adhérents de l'association sont répartis sur toute la France. C'est pour ça d'ailleurs que l'association est présente sur une manifestation comme les Journées du Libre en Touraine aujourd'hui. D'accord. Histoire de se faire connaître en tant que l'association Loi 1901, on ne peut pas faire de la pub vraiment autrement. Il y a partout en France des réseaux d'initiatives publiques qui sont en cours de création et qui font un peu double emploi avec le réseau actuel de France Télécom, mais qui auront l'avantage d'être ouverts. Et c'est par exemple le cas de l'agglomération de Tours, où un réseau de câbles va être mis en place. D'accord. Et si un FDN Touraine voit le jour avant cela et trouve des... Des partenaires, non, ou... non. Des adhérents, voilà. Surtout. Se compose d'adhérents avant, ça donnera un poids suffisant à l'association pour demander à participer à la création de ce nouveau réseau et à la distribution de services sur ce nouveau réseau, permettant cette fois de ne pas être un simple revendeur, d'être un véritable acteur et d'utiliser toute la place que l'on pourra occuper sur ce réseau-là. Donc très bientôt ici, un FDN Touraine qui sera FDN, qui sera tout simplement membre d'une confédération FDN qui sera composée de plein de petites associations FDN, d'accord, toujours dans le même esprit, mais solide et composée de plusieurs éléments. Cela fait partie de... Enfin, c'est un des projets de l'association en ce moment. Et ça justifie le fait de venir jusqu'ici. Oui, pour effectivement en parler et puis que... mettre en place ensemble. C'est ça, oui. Parce qu'au niveau, en fait, oui, être acteur localement, mais parce que pour l'instant, finalement, par rapport aux équipements, vous n'avez pas forcément... si on peut revenir un peu là-dessus, parce que si vous essayez de vous implanter à Tours, comment vous fonctionnez finalement Alors, ça, là-dessus, il faut comprendre que, même chose, on reprend le rôle de poil à gratter. La communauté d'agglomération sur Tours a décidé de construire un réseau. La loi lui en donne le droit. Les pouvoirs publics ont le droit d'être opérateurs réseau. Mais c'est assorti d'une obligation. L'obligation de ne pas faire de vente directement à l'utilisateur final, qu'il soit particulier ou entreprise, et l'obligation de revendre à tout opérateur qui se présente pour acheter. Donc la commune peut tout à fait créer son réseau si elle le souhaite, mais elle a l'obligation de vendre dans des conditions parfaitement équitables à tous les opérateurs qui se présentent, et elle n'a pas le droit d'adresser directement les particuliers. Ok. Ce qui veut dire que le réseau que a priori les politiques espéraient rentabiliser en le vendant aux 2 ou 3 gros opérateurs nationaux pour permettre d'effacer les zones blanches, de régler un certain nombre de problèmes, d'amener du très haut débit dans les écoles, etc. Et ils s'en sont pas rendus compte, mais par effet de bord, ils ont ouvert la porte à des gens comme nous. C'est-à-dire qu'on prend une poignée d'agités en Touraine, 5 ou 6, qui ont envie d'être leur propre opérateur, de fabriquer un opérateur réseau de toutes pièces libre et fait par les gens pour les gens. On leur donne un tout petit coup de main technique et financier pour démarrer, en s'appuyant sur l'infrastructure technique, le savoir-faire et les finances de FDN. De FDN, ouais. Et avec mais vraiment trois bouts de ficelle, on peut monter un opérateur qui a le droit d'aller taper directement dans le réseau fibre optique développé par la ville. D'accord, et la ville n'a pas le droit de refuser. Oui, donc c'est effectivement autant. Voilà. Donc, là, il y a moyen de jouer, de faire vraiment des trucs distrayants. Ok. Il y a moyen, par exemple, sur une délégation de services publics qui existe déjà, qui elle est pas celle de Tours est toute neuve, elle est en train de se construire. Sur une qui existe déjà, on est en train de jouer avec les résidences universitaires. La ville a un beau réseau fibre optique, etc., etc. Le CROUS se dit que quitte à faire la rénovation de la CTU, ce serait pas mal d'y mettre du réseau. Donc ça, passer du RJ45 dans les murs, etc., ils vont voilà, financer, ils s'en foutent, c'est dans les frais de rénovation. Par contre, ils ont un problème, c'est opérer le réseau. Voilà, voilà. S'ils demandent à une PME du coin, bah, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un étudiant rentre dans sa piole, il faut qu'il y ait un technicien qui vienne pour brancher le RJ45 dans le switch, lui configurer l'accès, etc. Ça va coûter des frais de déplacement, ça va coûter du salaire d'ingénieur, ça coûte une vraie fortune. Finalement, dans une université, il y a toujours quelqu'un qui touche un peu sa bille en informatique parmi les étudiants. Mmh. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, on va se passer de la PME locale. Le CROUS va financer l'infrastructure pour amener du cuivre dans toute la résidence. La ville, la communauté d'agglo, va financer l'accès en fibre, donc va apporter de la fibre dans la résidence. Et entre les deux, il va y avoir 2-3 ordinateurs et quelques switches. Et ça, bah, c'est les étudiants qui vont se démerder entre eux. S'ils veulent avoir du réseau dans leur chambre, ils vont se débrouiller pour monter une association, pour mettre chacun 4 sous dans le nourrin pour que ça tourne, pour pouvoir renouveler les switches quand ils brûlent, pour pouvoir renouveler les PC quand ils brûlent. Avec là-dessus, un premier sponsoring du CROUS qui va acheter le matériel de départ, et puis un soutien logistique de FDN qui va apporter du savoir-faire et qui va former des étudiants. Oui, voilà, parce qu'effectivement, dans le lot, il y en aura sûrement qui auront envie, mais qui n'y connaîtront pas forcément grand-chose. Donc, ils pourront s'appuyer sur les compétences en fait, des membres déjà existants. Et voilà, qui pourront venir chercher, finalement, la formation réseau qu'on ne donne pas en DEUG première année, FDN se chargera de la dispenser sur les heures de temps libre. Avec un switch, ça se configure comme ça, un routeur, ça se configure comme ça, et quand ça ne marche plus, il faut appuyer là. Voilà. Oui, donc ça sera très, très dans le concret, quoi, en plus. Ouais, donc ça, en toute logique, ça... au moins 2 effets pleinement bénéfiques pour les étudiants. Le premier, c'est que pour tous les étudiants, ça va faire des accès réseau assez monstrueux à des prix débiles. C'est-à-dire que ça va être du 100 mégabits symétrique pour 5€ par mois. Oui, effectivement, oui. Ben oui, parce que la fibre optique est payée par la ville, parce que le réseau de cuivre, il est payé par le CROUS, parce que les équipements au milieu, ils ont déjà été financés. Donc en fait, il faut 3 francs 6 sous pour rembourser les équipements, pour être capable d'en racheter si jamais il y a le feu. Et puis, il faut quelques sous pour payer la bande passante vers Internet. Et puis, c'est tout. Oui, effectivement. Ouais. Donc, ça coûte quasiment rien. Ça, c'est le premier effet intéressant, qui est de fournir du vrai accès Internet très haut débit pour presque rien. Et puis, le deuxième effet intéressant, c'est que finalement, ça fait une poignée d'étudiants qui vont être des vrais ingénieurs réseau, qui auront véritablement, dans la pratique, administré des équipements réseau avec des utilisateurs dessus, et des utilisateurs généralement assez exigeants. C'est-à-dire que l'étudiant moyen, quand son peer-to-peer est cassé, il va aller chercher le président de l'association, puis il va taper sur la tête. Donc c'est très très formateur. C'est-à-dire que, a priori, les 4 ou 5 qui auront fait tourner le réseau pendant un an... Après, au sein d'une entreprise, pour déployer des réseaux, tout ça, voilà. Ça remplace avantageusement un stage virtuel, oui. Ouais, voilà, effectivement. Ouais. Ok. Et donc, bon, pour terminer, en parlant des projets de FDN, finalement, on a déjà évoqué un peu donc le projet de pouvoir en faire un FDN à Tours, quoi. Alors, des projets comme ça. Qu'est-ce qu'on peut citer après, effectivement ? Des projets de développement de FDN, de clones, finalement, d'autres associations qui soient opérateurs en région, il y en a un paquet. Il y en a un sur Tours, on en a sur d'autres régions. On a des projets d'aller travailler sur tout un tas de réseaux d'initiatives publiques qui sont similaires à celui de Tours. On a des visées sur le réseau de fibre optique de Free à Paris, qui, lui, n'est pas un réseau d'initiatives publiques, mais un réseau d'initiatives privées. D'accord. Simplement, voilà, dans les communiqués de presse, quand ils ont fait tout leur pataquès marketing et leur buzz autour du fait qu'ils allaient faire de la fibre, ils ont dit que ce sera ouvert aux autres opérateurs. Ah oui, donc effectivement. Bon, donc nous, on a envoyé un mail au patron de Free, puis on lui a dit, même pas cap. Il nous a répondu chiche. Et donc, du coup, on est en train de travailler à comment on va faire. Donc pour le moment, il y a une difficulté qui est qu'a priori, si on voulait être présent sur tout le réseau de Free, il faudrait qu'on trouve à peu près 100 000 euros à investir. Oui, donc pour une association, c'est... Oui, c'est beaucoup. Voilà, ouais. D'un autre côté, le réseau de Free ne va pas s'ouvrir du jour au lendemain. C'est-à-dire que Free ne va pas poser comme ça en une nuit magiquement 2 millions de prises fibre optique dans Paris. Donc ils vont l'ouvrir petit à petit. Donc du coup, on va avoir besoin d'investir 5 000 euros à tel moment, 5 000 euros à tel autre, 5 000 euros à tel autre. Donc on peut probablement s'en sortir avec un investissement incrémental et puis probablement le soutien des adhérents ou des gens qui ont envie. C'est-à-dire que si les Parisiens veulent avoir de l'Internet libre, ils en auront. S'ils n'en veulent pas, ben, on n'en fera pas. D'accord, ok. Et donc pour refaire le lien en fait, entre FDN, la DSL libre et les logiciels libres, qu'est-ce qu'on peut... redire finalement De manière assez surprenante pour les gens qui ne connaissent pas, Internet et les logiciels libres, c'est la même chose. C'est la même chose au sens que sans Internet, il n'y aurait pas de logiciels libres. C'est-à-dire des logiciels libres qu'on fait à 3 ou 4 dans notre garage en discutant par courrier papier et par téléphone, c'est quand même relativement rare. Oui effectivement. Il y a un vrai obstacle. Réciproquement, Internet n'existerait pas s'il n'y avait pas de logiciel libre. Tous les protocoles d'Internet, ils sont ouverts, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Internet, c'est un réseau qui se trouve entre les réseaux. Si lui, il n'est pas documenté, si tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de le faire, ça ne peut pas marcher. Effectivement. Donc par définition, tous les protocoles d'Internet sont ouverts. Et comme ce réseau s'est historiquement développé dans des universités, chez des chercheurs, chez des gens qui ne sont pas des gens très axé sur l'idée de rentabilité, ou du moins pas de rentabilité financière. Ils cherchaient une rentabilité scientifique, truc. Tous les logiciels qui sont à la base d'Internet sont libres, par définition, parce qu'ils sont en fait de simples implémentations de protocoles qui sont connus. Qui sont documentés, voilà, ouverts. Que ce soit le routage, on a toujours su comment il était fait, les DNS, les hébergements FTP, web, mail, etc. Tout ça, ça a toujours été des logiciels libres. SendMail, c'est un logiciel libre de l'époque où on ne savait même pas encore qu'il fallait dire qu'ils étaient libres. Oui, effectivement. Oui. Et donc, Internet et les logiciels libres sont deux phénomènes totalement liés, qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est en fait l'émergence de la société du savoir, c'est la somme d'outils libres, de protocoles libres et d'un réseau ouvert. Et donc les deux sont vraiment fondamentalement liés. Mais c'est vrai que de toute façon, effectivement, quand on cherche des logiciels libres, ils sont tous sur Internet de toute façon. Voilà, ils ne pourraient pas être ailleurs. Effectivement, oui. Et donc on retrouve d'ailleurs le même parallèle, c'est-à-dire que les gens qui défendent les logiciels non libres sont les gens qui défendent l'Internet non libre. C'est-à-dire que Microsoft a tout intérêt, je prends cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre, Microsoft a tout intérêt à ce que ton mail soit chez Hotmail, pas chez toi, à ce que ta messagerie instantanée passe par MSN et surtout pas par Jabber, parce qu'avec ça, ils peuvent faire du revenu, ils peuvent valoriser tes données, c'est-à-dire que tu leur as donné ton contenu. Du coup, eux, ils te font regarder de la publicité pour que tu puisses voir les données qui t'appartiennent, donc ils font de la valeur avec quelque chose qui t'appartient. Ces gens-là, ils ont le même intérêt que les gens côté fournisseur d'accès qui t'interdisent d'héberger un serveur et qui t'interdisent un certain nombre d'usages. Pour éventuellement, voilà, finance, voilà, en faisant un très beau mariage d'intérêt entre les deux, on obtient quand même un système de logiciels fermés sur un réseau sur lequel tu es quelqu'un de totalement passif. Donc on arrive à recréer un mélange entre Minitel et télé. Il y a vraiment des intérêts croisés entre logiciels propriétaires et réseaux fermés. Comme il y a des intérêts croisés entre Internet libre et logiciel libre. Ce sont vraiment deux combats qui vont ensemble. Ouais. D'accord, ok. Bon, c'était bien de reprendre la précision, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer au niveau des standards ouverts qui sont importants, et notamment sur Internet, parce qu'effectivement, on l'a bien dit, sans standards ouverts et documentés et libres, il n'y aurait pas d'Internet. Bon, ben, je vous remercie en tout cas pour cette interview. Et puis, on va se dire au revoir. À bientôt, l'année prochaine, je suppose. Voilà, je pense que j'espère que je serai toujours présent au sein de VLCS, ou sinon le projet continuera tout seul, mais voilà. Moi, de toute façon, je serai présent. Merci. Au revoir. Bitton. le soir sur mon petit banc. Ça fait déjà trois quarts d'heure que j'attends. Quand tout à coup vient ces questions, mon Dieu, ce qu'il vaut mieux de con. Celles qui sont dites existentielles, quand on se demande s'il y a un bon ciel. Celles qui nous font trouver le temps avec un amour digne de ce nom. Quand on se demande pourquoi les gens nous regardent travers de temps en temps. Et qui ces bêtes nous font penser qu'un mouille nous est tous destinés. Regardez-nous, observez-nous, sans nous mettre des bêtes sont dans les roues. Regarde-moi et emmène-moi, que je te donne un peu d'amour ici-bas. Nous a-t-il la meuf des fous, pourquoi vous chantez pas comme nous? Nous votre trompette on s'en fout, on veut de la musique à dessous. Eh bien pardon mais on vous emmerde, avant que la modestie vous perde. Et on jouera pour ceux qui aiment, nous ça nous pose aucun problème. Regardez-nous, observez-nous, sans nous mettre des bêtes sont dans les roues. Regarde-moi et emmène-moi, que je te donne un peu d'amour ici-bas. Sers-toi vers la nuit d'un soir, celui des rencontres du hasard. Et viens avec nous pour le boire, on se racontera nos histoires. On oubliera toutes ces questions, celles qui empêchent de vivre à fond. Celles qui empêchent d'apprécier les copains, une vie, un baiser. Regardez-nous, observez-nous, sans nous mettre des bâtons dans les roues. Regarde-moi et emmène-moi, que je te donne un peu d'amour ici-bas. À l'instant les grandes questions du groupe par-dessus la jambe à écouter sur Jamendo et distribué sous licence Creative Commons by NCSA. On retrouve à présent la deuxième interview réalisée le dimanche 21 janvier dernier lors de ces journées du logiciel libre en Touraine. Vous êtes libre ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. On est toujours sur Vous êtes libre ce soir. Je suis toujours aux journées du logiciel libre à Tours, qui était donc le samedi 20 et le dimanche 21 janvier. Je suis avec Yannick Thébault pour ma deuxième interview du jour. Yannick qui est contributeur mainteneur de NeoGIA. C'est un logiciel libre de gestion intégrée pour les entreprises. Donc Yannick, bonjour. Bonjour. Donc, en quelques mots, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ? Donc moi je suis un contributeur de logiciels libres depuis et un utilisateur de logiciels libres depuis presque une dizaine d'années maintenant. Je travaille pour une société, je suis ingénieur en informatique et j'ai travaillé essentiellement dans des sociétés de services en informatique. D'accord. Depuis peu je travaille pour Nereid, depuis 3 ans maintenant. D'accord, donc Nereid, ok. Et donc, bah, quand justement on parle de Nereid, si vous pouvez présenter un peu cette société. Nereid, c'est une société de services spécialisée dans les logiciels libres. C'est ce qu'on appelle une SS2L, par opposition au SS2I. D'accord. C'est une société de services en informatique. Nereid est une société un tout petit peu particulière, d'une part parce qu'elle fait que des logiciels libres, elle ne travaille qu'avec des logiciels libres, et d'autre part parce qu'elle fait partie du réseau Libre Entreprise. Le réseau Libre Entreprise, c'est un réseau d'entreprises qui ne travaille que sur les logiciels libres et qui répond, toutes les entreprises du réseau Libre Entreprise répondent à la même charte, c'est-à-dire que les entreprises doivent appartenir à leurs salariés. D'accord. À parts égales de tous les salariés, que toute l'information est disponible et ouverte à tous dans l'entreprise et pour les autres entreprises du réseau. C'est-à-dire que l'on partage toutes nos informations, que ce soit les salaires de chacun, les informations comptables, les informations commerciales. On partage toutes nos informations et tout est accessible. Avec les autres entreprises et à l'intérieur également de l'entreprise, réseau. C'est-à-dire que n'importe qui peut accéder à n'importe quelle information dans l'entreprise. Et la troisième condition, il y en a quelques autres plus secondaires, mais la troisième principale, c'est que le gérant d'entreprise doit être élu chaque année. D'accord, oui. Donc effectivement, c'est un fonctionnement un peu particulier. C'est un fonctionnement très démocratique, puisque beaucoup de décisions sont mises au vote. C'est un fonctionnement, c'est un peu un fonctionnement libre. C'est un peu, oui, un, effectivement, ça se rapproche du libre. C'est le libre appliqué à la gestion d'entreprise. À l'entreprise. Ce matin, j'ai interviewé les gens de FDN qui sont donc l'ADSL libre. Donc effectivement, on a un peu évoqué les parallèles avec le logiciel. C'est vrai que là, ça fait un peu le parallèle avec le logiciel libre, puisque, entre guillemets, les sources sont disponibles, oui, et partagées, quoi, effectivement. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et tout le monde peut contribuer à hauteur de ses compétences. Ça a un autre avantage, c'est que ça oblige aussi beaucoup à expliquer les informations. Tout le monde n'est pas, a priori, capable de comprendre une décision comptable. On s'aperçoit que si, et il suffit seulement de l'expliquer. Et d'accord. À partir du moment où on explique les choses, les gens les comprennent mieux et les acceptent mieux. Donc certaines décisions qui peuvent être parfois difficiles dans les entreprises, on peut penser au licenciement, on peut penser à des orientations stratégiques, on s'aperçoit que n'importe qui est capable de les comprendre à partir du moment où on lui explique la situation. Et dans la mesure où ils votent, les gens ont à cœur de comprendre ce pourquoi ils vont voter, puisqu'ils doivent prendre une décision. Donc on est obligé de leur expliquer. D'accord, oui, effectivement. C'est vrai que c'est assez particulier, oui. Et donc le réseau Libre Entreprise, finalement, il regroupe Le réseau Libre Entreprise regroupe maintenant une quinzaine de sociétés en France, mais également en Belgique et au Québec. D'accord. Et ça représente à peu près 90 personnes, 90 ouais. travailleurs. Et donc oui, à chaque fois, chaque entreprise en fait de ce réseau a un domaine de compétences particulier ou... Les entreprises du réseau, oui, ça nous permet aussi le fait d'être regroupé en réseau, ça nous permet aussi d'avoir une offre logicielle libre de services qui est multiple, donc de couvrir tout le spectre de besoins des entreprises, que ce soit de l'administration système, de l'architecture, du développement, des ERP libres pour Nereid par exemple, mais également tout type de développement. Et également, vu qu'on est les entreprises du réseau sont géographiquement très dispersées, ça nous permet aussi de répondre à des problématiques sur des entreprises qui sont également dispersées. Oui, d'avoir des acteurs de proximité pour les entreprises. Pour continuer sur Nereid, Nereid travaille donc dans les ERP libres. Et sur un produit qui s'appelle Neovia. Alors ERP pour un peu les auditeurs, les étudiants de Radio Campus Tour qui nous écoutent. Donc les ERP, qu'est-ce que c'est ? Ce sont l'ERP, c'est un acronyme anglais ou américain comme on veut, pour Enterprise Resource Planning. La traduction française, qui n'est pas tout à fait la traduction exacte, mais qui est celle qui est communément utilisée, c'est PGI, donc pour Progiciel de Gestion Intégrée. D'accord. Un logiciel de gestion intégrée, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui intègre dans un même logiciel l'ensemble des fonctions de gestion d'une entreprise. Donc ça regroupe tout ce qui est gestion comptable, gestion commerciale, gestion de production, gestion des stocks, etc. etc. Okay. Donc, tout ça dans un même logiciel. Et la particularité, c'est que c'est un logiciel qui tourne sur une plateforme Internet, en fait. Alors, il a plusieurs particularités. La première particularité, c'est un logiciel libre. Donc, il existe beaucoup de ERP dits propriétaires. Les principaux qu'on connaît sont ceux de SAP ou de Microsoft ou d'Adonix, par exemple. Et que donc Neovia, il a effectivement une petite particularité, c'est qu'il est accessible via une interface web et c'est un logiciel 100% web. D'accord. Ouais. Il existe d'autres ERP libres qui sont en ce qu'on appelle en mode client lourd, donc sur lequel il faut l'installer. Voilà. Mais c'est juste un mode de fonctionnement, c'est pas vraiment une particularité, enfin, c'est une petite particularité technique. Neovia en tant que produit couvre l'ensemble des fonctionnalités de gestion d'une entreprise, donc ça, c'est capable de faire une comptabilité et pour répondre à la question, la comptabilité de Neogia est certifiée pour la France, donc ça peut gérer la comptabilité de n'importe quelle entreprise en France. C'est-à-dire qu'il y a la gestion du plan comptable, voilà, l'édition des comptes de résultats, du bilan. Il y a eu des comptabilités certifiées sur Neogia pour des entreprises. D'accord, oui. Et donc, si on continue un peu dans la présentation du produit, en fait... Alors après, le principal atout de Neogia, c'est tout le module gestion de production qui a été en partie développé en collaboration avec Epitech Tours, donc l'école d'ingénieurs en informatique de Tours, où on reçoit régulièrement en stage des étudiants d'Epitech. On en reçoit d'ailleurs d'autres écoles d'ingénieurs, que ce soit de Poitiers ou d'Angers. Et après, un autre module très important qui est le module de gestion de stock. D'accord, oui. À ça s'ajoutent les modules de gestion des achats, de gestion des ventes, de gestion des activités de service, de tout ce qu'on appelle de gestion de projet, pour gérer toutes les industries de production en mode projet. Ok. Et donc, en introduction, je disais que vous étiez en fait... contributeur, mainteneur un peu du logiciel, oui. Neogia. En quoi consiste en fait Donc moi, je suis... elle consiste en beaucoup, beaucoup de choses. Je suis mainteneur du module de gestion des activités de service. Donc c'est tout ce que j'ai, tout ce qui est gestion des services, tout ce qui est service après-vente, ce qu'on appelle le CRM, en fait, la gestion de la relation client. Je suis également, de par ma formation d'architecte applicatif et technique, je travaille également au choix stratégique d'orientation technique du produit. D'accord. Donc, savoir quand on a besoin de trouver une autre meilleure pratique de développement ou de génération de code ou ce genre de choses. Je travaille avec les autres contributeurs sur ces parties-là. Et je travaille aussi à la définition des jeux de données, de démos notamment, ou des différents paramétrages possibles. Ok, pour que les gens puissent tester en fait en conditions réelles l'application. Et éventuellement, en s'écartant de Neogia, mais peut-être pour réexpliquer le rôle d'un contributeur au sein d'un logiciel libre, d'une manière générale en fait. Alors, il y a deux niveaux dans un logiciel libre. Il y a le niveau contributeur, c'est celui qui apporte des contributions, qui est la personne qui va apporter des contributions. Ça peut être, c'est pas toujours des résolutions de bugs ou du code. Une contribution, ça peut être, par exemple, des traductions. Ça peut être de la documentation. C'est une des meilleures façons de débuter d'ailleurs dans la contribution, c'est de documenter, parce que ça aide à apprendre soi-même et ça aide le logiciel aussi. Parce que la documentation, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très, très agréable à faire et que personne toujours, ne prend le temps de faire, notamment au niveau des développeurs. Ensuite, on a un niveau au-dessus, qui est le niveau mainteneur. Le mainteneur, c'est celui qui va valider les contributions, donc qui va regarder l'ensemble des contributions, et qui va globalement, ce qu'on appelle les comités dans le gestionnaire de configuration, donc le CVS, ce qu'on appelle communément le CVS. Et donc, c'est celui qui a le droit d'écriture sur le CVS, en fait. D'accord. Donc, ouais. C'est ça le boulot du mainteneur. Le gros avantage d'être mainteneur, c'est, outre le fait d'avoir le droit de modifier le logiciel réellement, c'est qu'on ne peut être mainteneur qu'à partir du moment où on est capable de comprendre les contributions des contributeurs. Et si on les refuse, de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on les refuse. Est-ce que c'est parce que y a les bonnes pratiques de développement n'ont pas été respectées, ou c'est pas le bon format, ou ça correspond pas au développement, Ça correspond pas au développement, mais des contributions qui ne correspondent pas au développement, ça existe peu. Je veux dire, si quelqu'un a envie de développer un nouveau module, on va l'accepter en tant que tel, même si nous, en tant que mainteneur, ça nous sert pas nous dans notre travail quotidien. Donc le mainteneur, de par le fait qu'il est capable de comprendre tout ce qu'on lui apporte, il a une forte expertise sur le logiciel, et donc c'est celui qui a la plus grande expertise du logiciel. Donc sur Neogia, il y a plusieurs mainteneurs parce que il y a pas mal de contributions, oui, et donc c'est un travail qu'on fait en équipe. C'est un gros logiciel quand même. Donc c'est un gros logiciel. Contrairement à beaucoup de logiciels libres un petit peu importants sur lesquels il y a des éditeurs. la structure de NeoGIA est un peu particulière parce qu'on a strictement refusé qu'il y ait un éditeur. Même si Nereid, la société pour laquelle je travaille, est l'initiatrice du produit, elle n'en est pas éditeur. Pour nous, la notion d'éditeur de logiciel libre est quelque chose de caduc. C'est comme si on essayait de fabriquer quelque chose de gratuit. Par contre, il nous faut, pour rassurer les entreprises clientes qui ont besoin d'être rassurées, notamment sur tout ce qui est support, etc., on a créé une structure qui s'appelle l'association NeoGIA, qui est une association loi 1901, basiquement, et qui est l'association qui donne une structure juridique à NeoGIA. C'est l'association NeoGIA qui possède les sources. Donc tous les contributeurs donnent leur travail. En termes de licence, c'est un copyright NeoGIA. D'accord, oui. Okay. Donc ça rassure les gens parce que une des tâches de l'association NeoGIA, c'est d'assurer le support auprès de passer des contrats auprès d'entreprises, des intégrateurs. Donc ça regroupe tous les intégrateurs et l'association NeoGIA regroupe le conseil des mainteneurs qui se réunit une fois par mois pour décider des orientations du produit. Ok. Et l'historique un peu de NeoGIA, parce que... L'historique de NeoGIA est lié à l'historique de Nereid. Donc, quand j'ai cofondé avec des collègues Nereid, il y a 3 ans maintenant, on a commencé à travailler sur un logiciel libre qui s'appelle toujours d'ailleurs OffBiz, qui est un des logiciels de la Fondation Apache, qui était un ERP d'origine américaine, très orienté e-commerce, très orienté e-commerce B2C, donc en vente directe aux particuliers. Et il nous est apparu que pour travailler avec OffBiz, d'une part, les mainteneurs étaient américains et on a eu quelques problèmes de communication avec les Américains. Et d'autre part, techniquement, développer une nouvelle fonctionnalité dans OffBiz, c'était quelque chose de très long. Or, nous, on avait besoin de travailler très vite. Donc on s'est rapproché d'une des sociétés du réseau libre entreprise qui s'appelle Code Lutin à Nantes, qui sont les spécialistes de Java J2E et de la génération de code, qui nous ont fourni des librairies de génération de code à partir de modélisation UML. Donc on a commencé à travailler sur des modélisations UML qui étaient, pour le coup, là, notre boulot. De travailler, nous on est des consultants là-bas chez Nereid, donc on travaille sur des modèles, on a l'habitude de travailler avec ça. Et à partir de ces modèles UML, on génère directement l'ensemble du code de l'application. Enfin l'ensemble, 70% du code de l'application finale. Un code UML, c'est... Alors un modèle UML, c'est un langage de modélisation qui permet notamment de modéliser les besoins, qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise et des systèmes d'information. D'accord, oui. Et donc, on génère directement le code de NeoGIA. Et pourquoi ? Alors après, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas redistribué ça et reversé ça à la communauté OffBiz ? La raison était que c'était juste une question de licence. C'est que NeoGIA est sous licence GPL et OffBiz était sous licence MIT à l'époque. Donc, ils ont refusé nos contributions sous prétexte qu'elle était sous licence GPL. Oui, donc ça rentrait en contradiction avec, effectivement... Ça rentrait en contradiction avec eux, leur philosophie. Licence n'était pas compatible, oui, pour expliquer la différence, la licence MIT autorise de faire tout ce que l'on veut avec le logiciel, y compris d'en faire un logiciel propriétaire. Donc, c'est un peu le modèle ultra-libéral à l'américaine de pouvoir faire ce que l'on veut avec les choses. Nous, on était dans un modèle beaucoup plus strict et donc on avait choisi la GPL. Enfin, strict et finalement libre aussi, puisque... On était un logiciel libre, mais on tenait beaucoup à ce que l'ensemble des contributions soient reversées, et soit obligatoirement reversées, soit donc du libre. Ouais, voilà. Donc toutes les contributions à NeoGIA sont forcément libres parce qu'elles sont en GPL. D'accord, oui. Bon ben, merci Yannick pour avoir accordé un petit peu de temps sur ces journées pour cette interview. Et puis bonne continuation dans l'entreprise et donc avec le réseau Libre Entreprise et NeoGIA et Nereid. De même et bonne continuation à Radio Campus. Merci. Et à l'émission. Au revoir. We'll be right back. Vous venez d'écouter le titre Girl de Zoprak, à retrouver sur le site Dogmazic. La musique est sous licence Creative Commons by ND. Tout de suite, la troisième et dernière interview de cette émission. Vous êtes libre ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. Donc de retour dans Vous êtes libre ce soir à l'antenne de Radio Campus Tours. Je suis toujours sur les journées du logiciel libre à Tours et je reçois maintenant Nicolas Malin, qui est mainteneur de la partie comptabilité du logiciel NeoGIA que j'ai vu donc avec le contributeur Yannick tout à l'heure. Il est donc Nicolas Malin est aussi également trésorier de l'association NeoGIA et puis il est également gérant donc de la société Libre en Berry. Donc je le reçois principalement également pour cette raison. Donc Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc en fait, bah, présentez-vous. Finalement, je pose la même question aux personnes que j'ai interviewées, mais en quelques mots, présentez-vous finalement. Donc je m'appelle Malin Nicolas, gérant de la société Limon-Berry à Bourges, et aussi, donc comme vous l'avez annoncé, mainteneur de la partie comptabilité du projet ERP NeoGIA. Ok. Donc la société Libre-en-Berry est une société de conseil en logiciel libre. Donc elle est amenée à être contactée par des entreprises pour des soucis informatiques ou des évolutions, toutes choses qui tournent autour de l'informatique. Et nous apportons notre conseil, nos compétences et notre savoir-faire sur la résolution de leurs problèmes via que des logiciels libres. D'accord. Donc ça va de l'architecture ou à la bureautique, en passant par la sécurité ou la gestion via NeoGIA. Ok, donc en fait, vous faites aussi également partie du réseau d'entreprises, Libre Entreprise, alors ? Oui, la société a été conçue de sorte que chaque homme qui fait partie de sa société a une voix. Nous avons poussé la solution d'une voix jusque légalement au niveau des statuts. D'accord. Et nous essayons de suivre la charte du réseau Libre Entreprise, avec quelques peines des fois par manque de temps, pour essayer de pouvoir contribuer autant au réseau qu'à l'association NeoGIA, qu'à nos clients. Et puis voilà, et que à votre structure également. Quoi, aux ouais. soucis que la structure pourrait rencontrer. Quoi. Voilà. Libre en Berry donc, est une structure. Et quels sont en fait les... Voilà, on a parlé que vous faisiez aussi des services donc, aux entreprises, mais est-ce qu'il y a d'autres activités dont vous participez également? Alors là, la création de Libre en Berry, j'ai rencontré une autre personne qui avait un même projet de monter une structure libre, mais lui pour le particulier. Donc Libre en Berry a lancé une autre société, fait partie d'une autre société, donc une entité commerciale qui s'appelle Libre Boot, qui est un magasin dédié aux particuliers sur les logiciels libres. D'accord. Donc on y trouve de la documentation à travers les livres sur le logiciel libre, des formations, du dépannage et surtout de la maintenance pour les particuliers. D'accord, en logiciel libre. Tout en logiciel libre. Et en plus, mon collègue étant spécialisé dans l'électronique, il dépanne les portables et on vend les portables sous Linux. Également, ce qui fait que voilà, si jamais il y a des soucis, bah, les gens peuvent avoir du support en fait. De A à Z. Bon, on peut juste rappeler que Libre en Berry signifie bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous êtes venus tous spécialement de Bourges aujourd'hui pour les journées du logiciel libre en Touraine. Pour vous soutenir toute initiative voilà. Et apporter un autre domaine de compétences. C'est-à-dire on a apporté ici ce qu'il manquait, la librairie. C'est vrai que le stand en plus, je me souviens de l'année dernière, il me semble qu'il avait eu un petit succès. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement venaient ici pour découvrir un peu les logiciels, bah, partaient après avec sous le bras un livre sur comment utiliser Firefox, se mettre à Linux, etc. Exactement. En fait, on apporte ici ce qu'on fait au magasin. C'est-à-dire que lorsqu'une personne rentre dans le magasin, en fonction de son besoin, on va lui apporter une solution, suivant ses compétences, suivant ce qu'elle attend, suivant si elle veut se débrouiller toute seule. Ici, on a énormément de personnes compétentes. Donc on ne va pas apporter nos compétences, bien que si on y a besoin, on peut toujours répondre peut toujours à la répondre, question. Oui. Bien sûr. Par contre, donc, on apporte ce que nous, on peut proposer pour les personnes qui veulent repartir chez elles et travailler chez elles, c'est-à-dire de la documentation. De la commune, ouais, avec tous les livres. Quoi. Exactement. Ok. Et donc, tout à l'heure, Yannick parlait de son travail au quotidien qui était de contributeur et de mainteneur d'une partie de NeoGIA. Donc le logiciel, le pro-logiciel de gestion intégrée. pour les entreprises. Donc vous, vous êtes également en fait mainteneur en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est de la partie très, enfin comptabilité. Partie comptabilité aussi sur l'architecture de logiciel. Je décide avec d'autres collègues sur comment on oriente les développements. D'accord. Et j'essaye de suivre le développement annexe pour voir si on arrive tous à suivre un développement logique. Puisque le ERP étant tellement vaste et ayant beaucoup de tellement de fonctions, oui. Qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble, à faire évoluer le tout dans le bon sens. D'accord. Et en quoi consiste le travail finalement, par exemple, vis-à-vis de la fonction mainteneur comptabilité? En fait, réponse en deux temps, au niveau de NeoGIA, j'interviens sur des améliorations de demande de la part des clients de Libanberry. C'est-à-dire que nous déployons l'application, nous avons des remontées des clients. De nos clients, et suivant l'importance de leurs remarques, moi en tant que contributeur, j'apporte mes modifications à l'ERP. D'accord, en fonction de leurs besoins. Tout le monde en profite. Et du coup, effectivement, les futurs clients pourront en profiter également, puisque exactement. La fonction aura été créée, quoi. Donc on mutualise le développement ainsi. Mais deuxième, en tant que mainteneur, par contre, lorsque quelqu'un me fait une contribution ou fait un développement qui me chagrine, c'est à moi qui interviens pour savoir à quoi sert ce développement. Voilà. De façon à avoir une cohérence dans l'application. Oui, donc dans tout projet libre, il faut toujours qu'il y ait effectivement des gens qui voilà, chapotent un petit peu les projets pour ne pas que... Voilà, le projet, exactement. Et que surtout que là, c'est quand même un produit destiné aux entreprises. Exactement, donc, on n'a pas trop droit à l'erreur. Les entreprises attendent effectivement quelque chose qui tienne la route. Et il faut savoir que si jamais on laissait passer n'importe quoi, nous, derrière, on a des contrats de maintenance. Donc, on aurait un coût temps à passer pour corriger les erreurs qui auraient été faites et pas vérifiées. Trop important pour les laisser passer. Oui, s'il y avait effectivement quelque chose dans l'application qui fasse que en production du logiciel au sein des entreprises, voilà, ça cause des soucis, effectivement, ça pourrait être très gênant. Oui. Donc Nicolas Malin, merci d'avoir répondu à cette interview. Merci à vous. Et puis bonne continuation dans les différents projets, parce que finalement vous êtes également beaucoup occupé en fonction de tous les projets libres. Oui, je vais essayer aussi de m'occuper de ma famille. Voilà, trouver du temps libre, c'est toujours ce que je dis. Merci. Merci, au revoir. C'était The Final Rewind par le collectif Triad, disponible sur Jamendo, le tout sous licence Creative Commons by SA. Il doit me rester moins d'une minute, donc pour les dates de rediffusion de l'émission, consultez le blog de VelCS, je rappelle l'adresse, www.velcs.info. Vous y retrouverez les précédentes émissions en balado-diffusion, ainsi que tous les liens cités et les liens de la programmation musicale. Un dernier mot pour remercier et féliciter toutes les personnes présentes lors de cette seconde édition des Journées du logiciel libre en Touraine, tant au niveau de l'organisation que de la participation sur les deux jours, et remercier également le public pour être venu plus nombreux encore que l'année passée. La suite des programmes de Radio Campus Tours, c'est maintenant. À la prochaine! Ciao !